Chapitre 40e, Foulon. Guillaume nageait dans la joie. Il avait pris la Bastille, il avait rendu la liberté à Gilbert, il avait donné au roi la cocarde tricolore, il avait été distingué par Lafayette, qui l'appelait par son nom. Enfin, il avait vu l'enterrement de Foulon. Peu d'hommes à cette époque étaient aussi exécrés que Foulon. Un seul, peut-être, eût pu faire concurrence, c'était son gendre, M. Berthier de Sauvigny. Aussi, tous deux avaient joué de bonne heure le lendemain de la prise de la Bastille. Foulon était mort et Berthier s'était sauvé. Ce qui avait mis le comble à l'impopularité dont jouissait Foulon, c'est qu'à la retraite de M. de Necker, il avait accepté la place du vertueux Genevois, comme on l'appelait alors, et qu'il avait été 3 jours contrôleur général. Aussi y avait-il eu force chant et danse à son enterrement. On avait bien eu l'idée un instant de tirer le cadavre de la bière et de le pendre, mais Billot était monté sur une borne, avait fait un discours sur le respect du mort, et la voiture mortuaire avait continué son chemin. Quant à Pitou, il était passé à l'état de héros. Pitou était l'ami de M. Élie et de M. Hulin, qui daignaient lui faire leur commission. Il était en outre le confident de Billot, qui avait été distingué par Lafayette, comme nous avons dit, lequel Lafayette le chargeait quelquefois de faire la police autour de lui avec ses larges épaules et ses poings d'Hercule. Depuis le voyage du roi à Paris, Gilbert, mis en communication par M. de Necker avec les principaux de l'Assemblée nationale et de la municipalité, travaillait sans relâche à l'éducation de cette révolution dans l'enfance. Il négligeait donc Billot et Pitou, qui négligeaient par lui, se jetaient avec ardeur dans les réunions bourgeoises au sein desquelles on agitait des questions de politique transcendante. Enfin, un jour que Billot avait passé 3 heures à donner son avis sur l'approvisionnement de Paris aux électeurs, et que, fatigué d'avoir péroré, mais heureux au fond d'avoir fait l'orateur, il se reposait avec délice au bruit monotone des discours de ses successeurs, qu'il se gardait bien d'écouter. Pitou accourut, tout effaré, se glissa comme une anguille dans la salle des séances de l'hôtel de ville, et d'une voix émue qui contrastait avec l'habituelle placidité de son accent. « Oh, monsieur Billot, dit-il, cher monsieur Billot. Eh bien quoi? Grande nouvelle? Bonne nouvelle? Glorieuse nouvelle. Quoi donc? Vous savez que j'étais allé au club des vertus, barrière de Fontainebleau? Oui, eh bien? Eh bien, on y disait une chose extraordinaire. Laquelle? Vous savez que ce scélère de Foulon s'est fait passer pour mort, et même a fait semblant de se laisser enterrer. Comment? Il s'est fait passer pour mort? Comment? Il a fait semblant de se faire enterrer? Il est par Dieu bien mort, puisque j'ai vu passer l'enterrement. Eh bien, monsieur Billot, il est vivant. Vivant? Vivant comme vous et moi? Tu es fou. Cher monsieur Billot, je ne suis pas fou. Le traître Foulon, l'ennemi du peuple, la sanction de la France, l'accapareur, n'est pas mort. Mais puisque je te dis qu'on l'avait enterré après une attaque d'apoplexie, puisque je te répète que j'ai vu passer l'enterrement et que j'ai même empêché qu'on le tirât de sa bière pour le pendre. Et moi, je viens de le voir vivant. Ah, toi, comme je vous vois, monsieur Billot. Il paraît que c'est un de ses domestiques qui est mort, et à qui le scélérat fait faire un enterrement d'aristocrate. Oh, tout est découvert, c'est par peur de la vengeance du peuple qu'il a agi. Conte-moi cela, Pitou. Venez un peu dans le vestibule, monsieur Billot, nous y serons plus à notre aise. Ils sortirent de la salle et gagnèrent le vestibule. Et d'abord, fit Pitou, il faut savoir si monsieur Bailly est ici. Parle toujours, il y est. Bon, j'étais donc au club des vertus où j'écoutais le discours d'un patriote. C'était celui-là qui en faisait des fautes de français. On voyait bien qu'il n'avait pas fait son éducation chez l'abbé Fortier. « Va toujours, dit Billot, tu sais bien qu'on peut être bon patriote et ne savoir ni lire ni écrire. »« C'est vrai, dit Pitou. Quand tout à coup un homme est accouru, tout essoufflé, « Victoire » s'est-il écrié, « Victoire !»« Foulon n'est pas mort, Foulon vit toujours, je l'ai découvert, je l'ai trouvé. » On était comme vous, père Billot, on ne voulait pas croire. Les uns disaient, « Quoi, Foulon ?» Oui, les autres disaient, « allons donc tant que vous voudrez. » D'autres, enfin, disaient encore, « Eh bien, pendant que tu y étais, tu aurais bien dû en même temps découvrir son gendre Berthier. »« Berthier ?» s'écria Billot. « Oui, Berthier de Sauvigny. Vous savez bien, notre intendant de Compiègne, l'ami de M. Isidore de Charny. Sans doute, celui qui était toujours si dur avec tout le monde et si poli avec Catherine. » « Précisément, dit Pitou, une horreur de traitant. » Une deuxième sanction du peuple français, l'exécration du genre humain, la honte du monde civilisé, comme dit le vertueux Loustalot. « Eh bien, demanda Billot. « C'est vrai, dit Pitou, ad aventum festinat, ce qui veut dire, cher monsieur Billot, hâte-toi vers le dénouement. Je continue donc. Cet homme arrive au club des vertus, tout essoufflé, en criant « Je l'ai trouvé, Foulon, je l'ai trouvé » Là-dessus, un cri énorme. « Il se trompait, » dit la tête dure de Billot. « Il ne se trompait pas puisque je l'ai vu. Tu l'as vu, toi, Pitou ? Mais mes deux yeux, attendez donc. J'attends, mais tu me fais bouillir. Ah, mais écoutez donc, j'ai assez chaud, moi aussi. » Je vous dis donc qu'il s'était fait passer pour mort, qu'il avait fait enterrer un de ses balais à sa place. Heureusement, la Providence veillait. « Allons donc, la Providence !» fit dédaigneusement le voltairien Billot. « Je voulais dire la nation, » reprit Pitou avec humilité. « Ce bon citoyen, ce patriote essoufflé qui annonçait la nouvelle, il l'avait reconnu à Viry, où il se tenait caché. Ah, hein. L'ayant reconnu, il le dénonça, et le syndic, nommé M. Rapp, le fit arrêter sur le champ. Et quel est le nom du brave patriote qui a eu le courage de commettre une pareille action ? De dénoncer Foulon ? Oui. Eh bien, on l'appelle M. Saint-Jean. Saint-Jean, mais c'est un nom de laquais, là. Et c'est aussi le laquais de ce scélérat de Foulon. Aristocrate, bah, c'est bien fait. Pourquoi tu délaquais ? Pitou, tu m'intéresses. Fit Billot en se rapprochant du narrateur. Vous êtes bon, M. Billot. Voilà donc le Foulon dénoncé. Arrêté. On le conduit à Paris. Le dénonciateur courait devant pour annoncer la nouvelle et recevoir le prix de la dénonciation, si bien que derrière lui, Foulon est arrivé à la barrière. « Et c'est là que tu l'as vu ?»« Oui, il avait un drôle d'air, allez. On lui avait mis un colis d'orties à la place de la cravate. »« Tiens, des orties, pourquoi cela ?»« Parce qu'il a dit, à ce qu'il paraît, le scélérat, que le pain était pour les hommes, le foin pour les chevaux, mais que les orties étaient assez bonnes pour le peuple. »« Il a dit cela, le misérable. »« Pardieu, oui, il l'a dit, monsieur Billot. » « Bon, voilà que tu jures maintenant. »« Bon, » fit Pitou d'un air dégagé, « entre militaires. » Enfin, il allait à pied et on lui bourrait, tout le long de la route, une foule de coups dans les reins et sur la tête. « Ah, hein, » fit Billot, un peu moins enthousiaste. « C'était fort divertissant, » continua Pitou, « mais seulement tout le monde ne pouvait pas lui en donner. » Attendu qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui criaient derrière lui. Et ensuite, dit Billot, qui commençait à réfléchir. Ensuite, on l'a conduit chez le président du district Saint-Marcel. Un bon, vous savez. Oui, monsieur Hacloc. Hacloc, c'est justement cela. Lequel a ordonné de le conduire à l'hôtel de ville, attendu qu'il ne savait qu'en faire, de sorte que vous l'allez voir. Mais comment est-ce toi qui viens annoncer cela, et non le fameux Saint-Jean ? Mais parce que j'ai les jambes de 6 pouces plus longues que les siennes. Il était parti avant moi, mais je l'ai rejoint et dépassé. Je voulais vous prévenir afin que vous prévinciez monsieur Bailly. Quelle chance tu as, Pitou. J'en aurai encore bien plus demain. Comment sais-tu cela ? Parce que le même Saint-Jean qui a dénoncé M. Foulon a proposé de faire prendre aussi M. Berthier, qui est en fuite. Il sait donc où il est ? Oui, il paraît que c'était leur homme de confiance, ce bon M. Saint-Jean, et qu'il a reçu beaucoup d'argent du beau-père et du gendre, qui voulaient le corrompre. Et il a pris cet argent ? Certainement. L'argent d'un aristocrate est toujours bon à prendre. Mais il a dit, un bon patriote ne trahit pas la nation pour de l'argent. « Oui, » murmura Billot, « il trahit ses maîtres, voilà tout. »« Sais-tu, Pitou, qu'il me paraît une assez grande canaille, ton monsieur Saint-Jean ?»« C'est possible, mais n'importe. On prendra monsieur Berthier comme on a pris maître Foulon. On les pendra nez à nez tous les deux. La vilaine grimace qu'ils feront en se regardant, hein ?»« Et pourquoi les pendra-t-on » demanda Billot. « Mais parce que ce sont des scélérats et que je les déteste. » Monsieur Berthier, qui est venu à la ferme, monsieur Berthier, qui dans ses tournées à l'Île-de-France, a mangé le lait chez nous et qui a envoyé de Paris des boucles d'or à Catherine. Oh non, non, on ne le prendra pas. Bah, fit Pitou avec férocité, c'est un aristocrate, un enjôleur. Billot regarda Pitou avec stupéfaction. Sous le regard de Billot, Pitou ne put s'empêcher de rougir jusqu'au blanc des yeux. Tout à coup, le digne fermier aperçut monsieur Bailly qui passait de la salle dans son cabinet après une délibération. Il s'élança vers lui et lui apprit la nouvelle. Mais ce fut à Billot, à son tour, de trouver un incrédule. « Foulon, Foulon !» s'écria le maire. « Folie !»« Tenez, monsieur Bailly, » dit le fermier, « voici Pitou qui l'a vu. »« Je l'ai vu, monsieur le maire !» fit Pitou, en mettant une main sur la poitrine et en s'inclinant. Et il raconta à Bailly ce qu'il venait de raconter à Billot. Alors on vit pâlir le pauvre Bailly. Il comprenait toute l'étendue de la catastrophe. « Et monsieur Cloque l'envoie ici ?» murmura-t-il. « Oui, monsieur le maire. »« Mais comment l'envoie-t-il ? » ?»« Oh, soyez tranquille, » dit Pitou, qui se méprenait à l'inquiétude de Bailly. « Il y a du monde pour garder le prisonnier. On n'enlèvera pas en route. »« Plût à Dieu qu'on l'enleva, » murmura Bailly. Puis se retournant vers Pitou. « Du monde, qu'entendez-vous, mon ami ? J'entends du peuple, donc. Du peuple ? Plus de 20 000 hommes, sans compter les femmes, dit Pitou, triomphant. Le malheureux ! S'écria Bailly. Messieurs, messieurs les électeurs ! Et d'une voix stridente, désespérée, il appela près de lui tous les assesseurs. On entendit à son récit qu'exclamations, que cris d'angoisse. Un silence de terreur s'établit, pendant lequel un bruit confus, lointain, inqualifiable, commença de pénétrer dans l'hôtel de ville, pareil à ces susurrements de sang qui crient parfois aux oreilles dans les crises cérébrales. « Qu'est-ce cela ? » demanda un électeur. « Parbleu, le bruit de la foule !» répondit un autre. Tout à coup, une voiture roula rapidement sur la place. Elle renfermait deux hommes armés qui en firent descendre un troisième, pâle et tremblant. Derrière la voiture, conduite par Saint-Jean plus essoufflé que jamais, couraient une centaine de jeunes gens de 12 à 18 ans, au teint hâve, aux yeux flamboyants. Ils criaient « Foulon, Foulon !» en courant presque aussi vite que les chevaux. Les deux hommes armés, cependant, avec quelques pas d'avance sur eux, ce qui leur donna le temps de pousser Foulon dans l'hôtel de ville, dont on ferma les portes sur ses aboyeurs enroués du dehors. « Enfin le voici » dirent-ils aux électeurs qui attendaient au haut de l'escalier. « Mordieu, ce n'est pas sans peine !»« Messieurs, messieurs !» s'écria en tremblant Foulon. « Me sauverez-vous » « Ah, monsieur !» répondit Bailly avec un soupir. « Vous êtes un grand coupable !»« Cependant, monsieur !» demanda Foulon, de plus en plus troublé. « Il y aura, je l'espère, une justice pour me défendre. » En ce moment, le tumulte extérieur redoubla. « Cachez-le vite !» s'écria Bailly aux gens qui l'entouraient. « Ou bien ?» Il se retourna vers Foulon. « Écoutez, la situation est assez grave pour que vous soyez consulté. Voulez-vous, peut-être en a-t-il temps encore, voulez-vous essayer de fuir par les derrières de l'hôtel de ville ?»« Oh non !» s'écria Foulon. « Je serai reconnu, massacré !» « Préférez-vous rester au milieu de nous ?»« Je ferai, et ces messieurs feront tout ce qu'il sera humainement possible de faire pour vous défendre, n'est-ce pas, messieurs ?»« Nous le promettons !» crièrent les électeurs tout d'une voix. « Oh, je préfère rester avec vous, messieurs. Messieurs, ne m'abandonnez pas !»« Je vous ai dit, monsieur, répondit Bailly avec dignité, que nous ferions tout ce qu'il serait humainement possible de faire pour vous sauver. » En ce moment, une grande clameur prit naissance sur la place, se répandit dans les airs, et pénétra dans l'hôtel de ville par les fenêtres ouvertes. « Entendez-vous ? Entendez-vous ? » murmura Foulon, pâlissant. En effet, la foule débouchait, hurlante et effroyable à voir, de toutes les rues aboutissant à l'hôtel de ville, et surtout du quai Pelletier et de la rue de la Vannerie. Bailly s'approcha d'une fenêtre. Les yeux, les couteaux, les piques, les faux et les mousquets reluisaient au soleil. En moins de 10 minutes, la vaste place regorgea de monde. C'était tout le cortège de Foulon dont avait parlé Pitou et qui s'était encore augmenté des curieux qui, entendant un grand bruit, accouraient sur la place de Grève comme vers un centre. Toutes ces voix, et il y en avait plus de 20 000, criaient « Foulon ! Foulon !» On vit alors les 100 précurseurs de ces furieux désigner à toute cette masse hurlante la porte par laquelle Foulon était entré. Cette porte fut menacée immédiatement et l'on commença de la battre à coups de pied, à coups de crosse de fusil et à coups de levier. Tout à coup, elle s'ouvrit. Les gardes de l'hôtel de ville apparurent et s'avancèrent sur les assaillants, qui reculèrent d'abord devant les baïonnettes et trouèrent, dans leur première frayeur, un large espace vide devant la façade. Cette garde s'établit sur les degrés et fit bonne contenance. Les officiers, d'ailleurs, au lieu de menacer, haranguaient affectueusement la foule et essayaient de la calmer par des protestations. Bailly avait presque perdu la tête. C'était la première fois que le pauvre astronome se trouvait en face de la grande bourrasque populaire. « Que faire ? » demandait-il aux électeurs. « Que faire ?»« Le juger !» s'écrièrent plusieurs voix. « On ne juge pas sous l'intimidation de la foule, » dit Bailly. « Dame, dit Biot, avez-vous assez de troupes pour vous défendre ? Nous n'avons pas 200 hommes, il faudrait du renfort alors. »« Oh, si monsieur de Lafayette était prévenu !» s'écria Bailly. « Alors prévenez-le !»« Qui le préviendra ? Qui traversera les flots de cette multitude ?»« Moi !» répliqua Biot, et il se préparait à sortir. Bailly l'arrêta. « Insensé, regardez cet océan, vous serez englouti dans une seule de ces vagues. Si vous voulez arriver jusqu'à monsieur de Lafayette, et encore, je ne réponds pas de vous, passez par les derrière, allez !»« Bien !» répondit simplement Biot, et il partit comme un trait.